Flycase, le classement des 20 titres les plus représentatifs de ta radio. Chaque samedi, 7h, retrouve Olivier Curtis et les 20 titres incontournables de la semaine. Flycase. Les 20 titres qui te font bouger. 2 heures de classement, des news. Flycase. C'est un concentré de galaxies en 2 heures. Pour ne rien rater du prochain Flycase, calme-toi Galaxy ce samedi à 16h. Le Flycase avec Olivier Curtis te distille l'essence de ta radio. Flycase. Samedi 23 avril, soyez les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Excellent samedi après-midi, samedi printanier. On va pas parler trop vite, il y a des gros nuages qui arrivent. En tout cas, restez avec nous, hein. Vous êtes sur Galaxy, c'est le Flycase jusqu'à 18h. Avec une fois de plus, pas mal de changements cette semaine. Peut-être un nouveau numéro 1. Denis Cruz était en tête la semaine dernière avec la reprise de Nina Simone, Thin Line Woman. En attendant, pas trop de changements par contre au niveau des nouveautés. 2 entrées et 2 sorties. Flycase. La sortie de Kershon Jackson avec Take It Easy, le remix de Sonny Fodera et Matt Joe. On fait la sortie également de Sonny Fodera et Yasmine. Décidément, rien ne va plus pour Sonny Fodera. C'est mal barré. Avec Feeling You, sorti cette semaine. Numéro 20. Et on vous l'a dit, pas mal de changements cette semaine. C'est la grosse gamelle pour cette semaine pour Oxy avec Feeling, le remix Olivier Giacomotto numéro 20. Ça perd cette place. Restez avec nous. Très très bon après-midi. C'est le Flycase jusqu'à 18h. Yeah. font bouger. C'est Fly Cave, numéro 19. Et les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec TV Treated, la reprise Neon Judgment, un titre qui est sorti en 84. C'est un remix de Dave Clark qui vient de ressortir. Évidemment, numéro 19, ça perd deux places. Et juste auparavant, Lanterne en Rouge, 20e, Oxy avec Feeling. C'était le remix de Olivier Giacomotto et ça perd 7 places cette semaine. Les 20 titres indispensables sur Galaxy, numéro 18. numéro 17. Fly Gaze, nouveauté. Falling further into sin. I'm not alone. Daikens et les 20 titres incontournables tous samedi entre 16h et 18h avec la 16e position à l'instant. C'est vrai qu'on adore ce titre. Petite découverte que vous n'entendez que sur Galaxy, forcément. Ça s'appelle la Carrier District avec Techno Disco, le remix de Kink, numéro 16. Ça gagne 3 places. Numéro 17, juste auparavant, c'était une entrée cette semaine. Il y en a 2 au total. Usul Selçuk, on vous l'avait proposé la semaine dernière en proposition. Eh bien, le voici rentré. C'est accompagné de Josh Moreland et le titre Out of My Head. Et encore auparavant, le groupe Meute avec REJ, c'est la position numéro 18 et ça gagne 2 places. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Ce soir sur Galaxy, et la tribu sera là à partir de 20h sur Galaxy avec Jérôme B avec Party House. À 21h, Frank Lido, Girly House Clubbing. 22h, Digitom, 6 Mix. 23h, Marty avec Check It House. À partir de minuit, DJ Storm avec Cyclone. Et à 1h du mat jusqu'à 2h pour clôturer cette soirée, ce sera Digigus avec By Noise et The Pleasure. Tout de suite, petite pause dans ce classement avec une proposition d'entrée pour la semaine prochaine. On a découvert ceci. On va vous faire écouter parce que c'est vachement beau. Ça s'appelle Tepno, le titre Me and My Guitar. Thought it would be just Galaxy. La musique est un message. Une histoire. Une histoire. sable. C'est Pancake, numéro 15. Thank you. will take you to the mountaintop, and there the whole world will see the glorious light of this nation that is house. Et les 20 titres indispensables, numéro 14 cette semaine, 7ème de place, c'est des DJ Roland Clark avec House Nation. Et pointé numéro 15, 3 places au moins pour Koyou avec Who's Wearing the Trouser. Dans quelques instants, les 13 premiers de ce classement avec encore pas mal de petites surprises. push me around. You ain't riding, son of a bitch. Thank you. électronique. Bien, c'était en 2010. Rappelez-vous le groupe Boys Noize avec le titre Yeah. Bienvenue, il est 17h. Numéro 20. Allez, on y va, voici le récapitulatif de la position numéro 11 à la position numéro 20. Dégressivement, évidemment. Numéro 20, 7 places de moins pour Roxy avec Feeling. C'est le remix de Olivier Giacomotto. Numéro 19. Numéro 19, 2 places de moins pour Neon Judgment avec TV Treated. C'est le remix de Dave Clark. Place au mieux, c'est la position numéro 18, c'est Meute avec REJ. Numéro 17. On adore ce titre, à mon avis, ça pourrait être un futur carton, un titre de la région en plus. Usul Selçuk avec Josh Moreland, Out of My Head. Numéro 16. Numéro 16, ça gagne 3 places. Carrier District avec Techno Disco, le remix The Kink. Numéro 15. Marocains. Ça perd 3 places cette semaine, c'est mal barré. Hein. Pour la semaine prochaine, c'est à vous de réagir. Facebook, Flykes évidemment. Koyou avec Who's Wearing the Trouser. Who's Wearing the Trouser, eh oui. Numéro 14. Deux places de mieux, c'est la position numéro 14 cette semaine pour DJ Roland Clark et Santé Sanson avec House Nation. Numéro 13. Fine Besson, c'est la position numéro 13 avec Rotundo, ça gagne une place cette semaine. Salut d'entrée la semaine dernière, c'est Game 3 places numéro 12 cette semaine, Men Without a Clue avec Push Me Around. Numéro 11. Et enfin, ça quitte les 10 premiers. Une petite place de moins, numéro 11 pour Busty Grub avec Baby Dance. Numéro 10. Allez, on y va d'attaque dans les 10 premiers, les 10 meilleurs de ce classement. Numéro 10 cette semaine, ça perd 2 places. Clone Van Strook avec My New Business. Sous classement du Flakez il y a quelques semaines, c'était It's Everything. Ça perd deux places cette semaine, numéro 9 avec Big Disc. Et juste auparavant, c'était Clone Van Swat avec Mind Your Business. Les 20 titres indispensables. Flakez, numéro 8. Flakez, nouveauté. We'll be right back. 6. Les 20 titres incontournables tous les samedis entre 16h et 18h avec la position numéro 6 à l'instant. Detroit Swindle avec House Music. C'est la position numéro 6, ça gagne 3 places, une place au moins pour Jane Faris juste auparavant avec Time. Et la meilleure entrée pour cette semaine, c'est Gilman et Wade avec Dirty Groove. C'est la position numéro 8. Tous les jours, dès 20h sur Galaxy. Et encore plus le week-end. La musique électronique s'exprime en toute liberté. Émissions thématiques et DJs rythment les nuits des tribus électroniques. Only mix on Galaxy. Ce soir sur Galaxy. Shake it, girl, shake. Et ce soir sur Galaxy, rendez-vous mix à partir de 20h, Jérôme B au platine, et également 21h Franck Lido, 22h Digitom, à 23h Marty, Digistorm à minuit, 1h Digigus pour clôturer cette soirée. Et puis demain également, on va vous parler des rendez-vous avec le retour de Jimmy à un nouvel horaire, c'est ce qu'on voulait dire. Au lieu du jeudi, eh bien ça passe au dimanche, midi 14h Jimmy, à partir de 14h Michael H, 15h Sharkam, 16h Steve, Digisky à 17h, à 18h Wesley, à 19h Arnaud, Zardo, à 20h Colide. C'est Greg D et Jimmy également à partir de 21h, à 22h Manhattan et à 23h SIC pour clôturer cette soirée mix. Tout de suite, proposition d'entrée pour les semaines prochaines. Il s'appelle Patrice Baumel, le titre In This World. Bon après-midi, c'est Galaxy, c'est le Black Gaze. Galaxy, un rétro n'est jamais de trop. Un rétro n'est jamais de trop. Vibrate.

it better when you les 20 titres incontournables, c'était la position numéro 2. À l'instant, ça gagne une petite place. Growler avec Pig and Dan. Flycase numéro 10. Allez, on y va, voici le récapitulatif. Les 10 meilleurs pour cette semaine numéro 10. Ça perd deux places. Claude Vansrock avec My New Business. Numéro 9. Numéro 9, ex numéro 1 de ce classement du Flycase. Ça perd deux places cette semaine. It's Everything avec Big Disc. La meilleure entrée pour cette semaine, je vous rappelle qu'il y en avait deux cette semaine, Jailman et Wed, le nouveau Dirty Groove. Numéro numéro 7. Ça perd une petite place cette semaine. Jane Faris avec Time, numéro 7. Numéro 6. Numéro 6, Detroit Swingle, petite découverte Galaxy, évidemment, Always Music. Numéro 6, ça gagne 3 places. Numéro 5. Audio Jack, c'est la position numéro 5, et là, il n'y a pas de doute, hein. Le titre c'est Vibrate, Vibrate, Vibrate, une place de moins. Vibrate, Vibrate, Vibrate. Numéro 4. Deux places au moins cette semaine, c'est la position numéro 4. On aurait cru un futur numéro 1. Remarquez, pas trop tard. Hein. C'est à vous de noter Facebook, like, et ça perd deux places. Nobby Rampa and Me avec Test Like. Numéro 3. Numéro 3, c'était DJ SKT avec Dirty. Ça gagne deux places. Et enfin numéro 2, ça gagne une petite place, on vient de se l'écouter il y a quelques secondes, Big and Dan avec Growler. Galaxy Flycase. Flycase. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Et bah pas de grosse surprise pour le numéro 1, c'est tout comme la semaine dernière, et puis c'est normal, c'est vachement bon. C'est une reprise de Nina Simone, souvenez-vous, avec Sea Line Woman, xème reprise pour Dennis Cruz, numéro 1, Sea Line, le remix de Wad. It's as close to God as I know. These are lovely, the structure, the cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music, and it's... And so the whole fucking lot. Just in red, wear a rag on her head. See la woman, just in red, wear a rag on her head. Implications. Suisse, le titre Bubble Bat, un titre que vous êtes familier également puisque c'est repris actuellement dans une pub à la télé pour une certaine marque de parfum. Voilà, on ne vous dira pas laquelle. Si, on peut vous la dire. Bon, j'y vais aussi. Flycase. Voilà, donc Flycase, c'est terminé pour cette semaine. Prochain rendez-vous la semaine prochaine à partir de 16h. D'ici là, portez-vous bien. Restez avec nous dans un tout petit instant. Matt Loatou ne sera pas là. Il est en vacances pendant 15 jours. Musique non-stop jusqu'à 20h. Et puis tous vos rendez-vous mix habituels à partir de 20h avec Jérôme B, Franck Lido, Digitom, Marty, Digistorm et Digigus côté rendez-vous mix. Passez l'excellent moment, excellente soirée. Et puis tout de suite, voici un titre classé d'ailleurs dans le Flycase. Ça s'appelle Techno Disco Carrier District. On en perd les mots. Allez, on vous souhaite une bonne soirée. Ciao.